Voilà, c'est l'intempestive. Deuxième partie aujourd'hui dans l'intempestive de Enfermez là dans ce jardin les exilés du square Villemain, un documentaire sonore sur la situation des exilés, principalement afghans, dans le 10e arrondissement de Paris. Nous regardons les Afghans jouer au foot au square Villemain. Un jeune homme s'approche pour discuter. You want to go to England? No. No. No. No. Because I have the fingerprint 2003 in France. Yeah, I'm staying in France. Guillaume lui demande s'il veut aller en Angleterre. Il dit non, parce que j'ai eu mes empreintes digitales de prise en 2003 ici, je suis obligé de rester en France. I'm sleeping in a pool. One night I'm sleeping in a car, one night I'm sleeping in a pool. Il dit je dors dans le parc, une nuit sur deux dans le parc, l'autre nuit dans un foyer. Il dit que ça fait 20 jours qu'il est là. What do you want to do after that? I don't know. Because I now haven't done anything now, I have to now I have to stay in France. Because I don't know what the France they gave it to me. Je lui demande quels sont ses projets. Il dit je sais pas parce que là je suis bloqué en France. Je sais pas si la France va me permettre de rester. Il est obligé parce qu'il a été ses empreintes ont été prises. Il dit qu'il veut demander l'asile en France. I'm 24. Il a 24 ans. And where do you come from? I'm from Afghanistan. Il vient d'Afghanistan. Je lui demande pourquoi il est venu, comment il est venu. I'm coming because before I've been into Afghanistan. I have a problem with the Taliban, with the Afghan the police. Have a problem. Il dit quand j'étais en Afghanistan, j'avais des problèmes avec les talibans, j'avais des problèmes avec la police. Turkey, then I'm coming to Italy, France. Alors, je suis allé jusqu'en Turquie, après de la Turquie en Italie, de l'Italie en France. Your project for you? No. No. Guillaume lui demande comment est-ce qu'il voit son avenir. Il lui dit, je vois rien du tout pour l'instant. Do you see your future? No, nothing, because I see too many people there. They are been in about 2-3 years there. They not have any future. They not have anything. They are the same like me. They are sleeping in a park. They are sleeping in a camp. One night they sleep in a park. One night they sleep in a camp. I don't know why. What's happening to them? They are like this. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont ici depuis 2-3 ans, qui ont aucun avenir. Ils ont rien. Ils dorment dans le parc comme moi. Ils vivent dans le parc. Ils vivent ailleurs. Je sais pas ce qui peut se passer pour eux. If some people is like me, if I've been to France about 2-3 years, I have to have a house or something like this to sleep in, to eat in, to go into work. Now I see too many people, they are playing football there, they are sleeping apart. It's no good for the people. Dans 2-3 ans, il faudrait que j'ai une maison pour dormir, pour manger, pour travailler. Mais là, je vois trop de personnes qui jouent au foot ici, qui dorment dans ce parc. C'est pas bon pour eux. Je lui demande s'il travaillait ou s'il étudiait en Afghanistan. Il me dit oui, je travaillais, j'étais dans la police. I was working to police. Police? Yeah, in Afghanistan. You were in the police in Afghanistan? Yes. Je lui demande pourquoi il a eu des problèmes avec la police puisqu'il travaillait. Because I've been into police. My dad is the commander in Afghanistan. Mm-hmm. One night the Taliban is coming to kill my family. Il me dit oui, j'étais dans la police, mon père il était commandant, et une nuit les talibans ils sont venus pour tuer ma famille. 5-6 people the Taliban for the about 20 days. Then they gone. One night I sleep. Je ne comprends pas très bien ce qu'il me dit, mais je saisis qu'il a été soupçonné par la police d'avoir été payé par les talibans, alors même qu'il avait protégé des personnes contre eux. The commander, they said to me, why they gone? Why? they pay for, they give you money something, they give you something else. And I say no, I'm not giving, they're not giving nothing to me. Je me demande s'il était policier en Afghanistan, qu'est-ce qu'il pense de la police en France? What do you think of the police here in France? The France police is good. Yeah, it's good. Il me dit la police en France, elle est bien. Afghans, no, because some Afghans. Il me demande si les Afghans dans le parc ont des problèmes avec la police. Il dit non, non, les Afghans ils n'ont pas de problème. So it's normal for the. Je lui demande s'il n'a jamais rencontré de problème au cours de son voyage avec la police des différents pays. Il dit non, non, jamais. Un autre Afghan qui écoutait notre échange intervient. Celui qui dit, tout à l'heure, tu vous dis que question. Qu'est-ce que vous pensez de la police d'Afghanistan? Qu'est-ce que tous les Afghanistan connaissent avec Taliban, avec bagarre contre, tu sais, ça veut dire quoi? C'est alors beaucoup de personnes qui viennent ici. C'est politique sans problème. Il n'y a pas d'argent problème là-bas. Problème avant moi, un diplomate. Il y en a la terre, beaucoup de terre. C'est pas à cause de l'argent, à cause. C'est, je sais pas, il vient ici. C'est tous les problèmes politiques. Des gens, oui, des gens. Entre des gens, il y a beaucoup de gens qui. Une taliban, Al-Qaïda, tu sais, Al-Qaïda. Un autre parti. Il y a beaucoup de partis qui sont. Des clans, une rivalité. Oui. Oui. Et donc le problème, c'est que les jeunes, ils ont le choix entre rallier les clans, obéir aux clans, ou partir, c'est ça? Oui, c'est partir, les religions, partir est beaucoup de religions. À cause de leur origine religieuse? Oui, oui. Mais ils ne sont pas tous... Parce que, je pense que tu vois dans la télé, toujours, chaque jour, 20, 30, 35 personnes qui meurent en bagarre. Mais c'est essentiellement dû au combat, aux affrontements entre les forces de l'OTAN et les talibans. Non, oui, à cause des talibans aussi. Oui. Américains avec militaire Afghanistan, voilà, c'est ça. Gouvernement qui est parti. Il y a des rivalités entre les clans. Bien sûr, oui, c'est ça. Hier soir, j'ai vu dans la télé. Peut-être les enfants qui, maman, papa, tous les qui sont morts, il y a deux qui sont pas morts. Pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous, ça fait combien de temps que vous êtes venu? Ça fait un an et demi. Et un an et demi à Paris? À Paris, oui. J'ai choisi France. Je pense que pour les gens, en particulier pour apprendre les gens, et si c'est bien, première personne que dans 2007, septembre 2007, qui partir pour le futur, pour statut réfugié, je pense que ici c'est bon. Vous avez le statut de réfugié politique? Malheureusement non. Vous avez essayé? Chaque jour. Qu'est-ce qu'on va faire sans logement, sans argent, sans le travail, c'est très dur. Et peut-être après 4 ans qu'il est donné un statut réfugié, c'est bizarre pour moi. Franchement, après 4 ans qui est passé pour moi, qu'est-ce qu'on va faire après pour le futur? Vu que c'est pas comme ça, je pense que pour le futur, pour aider mon famille. Vous avez eu encore régulièrement les contacts avec votre famille? Malheureusement, deux frères qui sont en prison, seulement oui, contact après un an et demi, 2 mois, 3 mois, contact avec ma maman. Et c'est quoi les motifs de l'administration française pour refuser de vous donner l'asile? Ça c'est ma question. Chaque jour, parler avec un journaliste, discuter avec un journaliste, que tous les Européens, c'est pas seulement France. Je sais pas, un an et demi à peu près, oui, que 120 personnes qui rejettent la commission. À cause de quoi? C'est-à-dire quoi, rejet? C'est dur, franchement, pour Afghans, les gens passaient toujours dormir dans la parc. Vous dormez toujours dans le parc depuis un an et demi? Maintenant, je n'ai pas dormi dans le parc. Il y en a fouillé. Il y en a donné fouillé dans 95. Par mois, tu penses que 180 euros, c'est beau que c'est pas beau? Vous me dites. 180 euros pour une chambre que vous partagez avec d'autres personnes? Non. Non, tout seul? Tout seul, ouais. Non, acheter quelque chose seulement pour manger, c'est pas possible. C'est pas possible. 180 euros par mois, c'est... Pour moi, c'est dur. Pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, chercher un travail, essayer pour un travail. Qui dit patron, sans papier, c'est pas possible. Désolé. Chaque jour, comme ça, frère. Et c'est quoi le quotidien, à peu près, des gens qui sont ici, là, des jeunes hommes, hein, pour la plupart, ici? Moi, connais un peu, moi, seulement aider avec les gens, c'est dur. Toujours, chaque jour, dormir dans la porte. Aussi, plus que déranger, il n'est pas possible d'habiter à dormir ici. Gaz utilisé. La police, il gaz dans le parc? Oui. Souvent? Oui, oui. Avant 15 jours, oui, il est arrivé. 22 heures de nuit, il est arrivé. Parler, te faire quoi? Pourquoi dormir ici? Ici, pas de place pour dormir. Vas-y, dégage. C'est très dur. Bon. Les gens, chaque jour, marchaient dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont obligés de bouger tout le temps pour ne pas, se faire attraper par la police, c'est ça, vous dites? Police, pas dérangée pour les jeunes. Seulement, c'est pas possible de dormir ici. Nous dit, nous donner, vous aider pour c'est dormir, pas possible ici. Dormir où? Dans les roues, c'est pas possible. Chaque jour. Et comment vous voyez, pour vous, ce serait quoi la manière de pouvoir améliorer ça? Je voudrais le gouvernement de l'État, que c'est 100%. Un peu aider, un peu attention, que les gens qui disent. Hier, un garçon qui dit, c'est pas possible France militaire partir pour dans l'Afghanistan pour aider pour les jeunes. C'est pas possible partir là-bas. Ici, beaucoup les jeunes afghans qui habitent ici. Pourquoi pas aider ici? C'est pas possible. Ça, c'est tous les gens questionnent. Ça fait 12 ans, avant 2-3 ans qui passaient comme ça. 100 personnes, 80 personnes chaque jour dans l'appart. Il n'y a pas de place, il n'y a pas aidé. Qu'est-ce qu'on va faire? Partir où? Angleterre après, fingerprint, envoyer encore ici. Ici, pas de place, pas de travail. Vous pensez, choisir un chemin pour les gens. C'est encore partir en Afghanistan, c'est pas possible. Rester ici, comme ça. Vieux, c'est pas beau. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e en février 2008. Le 3 février, les Afghans ont tous refusé de prendre le bus Atlas pour aller à la boulangerie. C'est un ancien local de l'armée au nord de Paris, transformé en centre d'hébergement pour les sans-abri et géré par la Sonacotra. À l'origine de cette grève, l'impression que les exilés afghans, iraniens et irakiens sont défavorisés. Il est vrai que le système mis en place par le personnel de l'association Le Cœur des Haltes est pervers. Le nombre de ceux qui auront le droit de monter dans le bus est fixé par le personnel du Cœur des Haltes sans que les intéressés puissent comprendre sur quelle base cela est fait. Ce système opaque nourrit les rancœurs et le sentiment de discrimination. Énervement aussi lorsque le 115 est contacté pour l'hébergement d'un père et de son fils de 6 ans. Il faut dire que l'avalanche de questions pour un simple hébergement est surprenante, comme le montre ce dialogue très résumé d'un soir. Demandez-leur pourquoi ils sont venus. Parce qu'ils étaient en danger. Ah bon? Ils veulent demander l'asile en France? Je ne sais pas. Demandez-leur, car je dois savoir s'ils sont des demandeurs d'asile ou des touristes. Il me dit qu'il va demander l'asile, mais n'a pas pris de décision. Alors ce sont des touristes. Ils ont quel âge ? 34 et 6 ans. Leur date de naissance ? Ils ne savent pas exactement. Demandez-leur. 2002-1974. Bon, et leur date de naissance ? Ils ne savent pas exactement. Ce n'est pas possible, je connais bien les Afghans, ils savent tous leur date de naissance. Non, ils ne savent pas. Ils ont des papiers ? Non. Mais alors comment sont-ils venus en France et d'où viennent-ils ? On retourne avec Jean-Michel 113 de MRAP et qui, au sein du collectif des exilés du 10e, assure bon nombre de maraudes. Vous parliez de la question de, enfin de, du discours dominant sur l'appel d'air, etc., qui est également très présent à Calais, ce qui permet de justifier pour les pouvoirs publics le fait de refuser pour l'instant d'ouvrir un nouveau centre de jour ou un centre d'accueil en général. Et ce qui produit une situation très absurde, quoi, très violente, de harcèlement policier permanent vis-à-vis de personnes qui ne peuvent pas être envoyées dans leur pays en cause de la situation du pays. Déjà, est-ce que la question d'un accueil de jour à Paris a été posée à un moment ou pas ? Et ensuite, quelle est l'attitude de la police vis-à-vis des migrants ? Alors, sur l'accueil de jour, que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, ça a été soulevé plusieurs fois dans des réunions avec la mairie du 10e, l'accueil de nuit aussi d'ailleurs, en disant qu'il y avait la nécessité d'avoir des places supplémentaires en hébergement de nuit. Effectivement, à l'heure actuelle, il y aura une centaine de places supplémentaires qui existent d'ailleurs, hein, qui ne sont pas à créer, qui existent, il suffit juste de les maintenir. Puisqu'on avait 4 bus il n'y a pas si longtemps que ça, 4 bus Atlas il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il y en a un qui a été supprimé. Il y a facilement une centaine de places disponibles sans problème sur la boulangerie. Bon, ça a été posé. Ça a été posé aussi le problème de l'accueil de jour, puisqu'effectivement, il n'y a aucune structure ayant les capacités d'accueillir le nombre de personnes qui aiment. Alors, pas seulement les migrants, mais c'est vrai qu'ils sont certainement les plus nombreux, mais les sans domicile fixe qui sont sur le 10e arrondissement. Donc on a très très peu de... Alors ils se répartissent entre différents accueils de jour, mais effectivement il n'y a aucune salle qui les accueille, qui peut accueillir un grand nombre d'entre eux, enfin la majorité d'entre eux. Donc ça a été posé, ça n'a pas été résolu. Hein. À l'heure actuelle, il y a un des accueils de jour où ils vont souvent, qui est le Cambrès, passage du Bail, qui est mis en danger à cause de plaintes des riverains, qui ont été jusqu'à se plaindre à la commissariat de police. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu de suite. Et... Là-dessus, la mairie dit effectivement qu'il faudrait un local plus grand pour résoudre le problème, mais pour le moment, rien n'a été débloqué. La mairie, d'ailleurs, avait dit aussi qu'il fallait émis à un moment donné l'hypothèse que ça serait bien d'avoir une préemption sur un hôtel et de transformer cet hôtel en foyer, en fait, pour accueillir 70-80 jeunes mineurs isolés. Dans ce cas-là, donc d'autres conditions que l'hôtel, avec des éducateurs, donc d'en faire de créer une espèce de foyer, même si c'est un foyer de transit, en fait, entre leur arrivée et le droit commun après. Mais bon, ça, c'est le temps que ça se mette en place, il y en aura pour des années. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e, en février 2007. Le mois de février a été marqué par la chasse à l'homme qui a eu lieu à Calais, au mépris des droits de l'homme et des droits des réfugiés. Des dizaines d'exilés ont été arrêtés chaque jour, mis en rétention ou transférés dans des foyers sur Nakotra d'autres villes. De plus en plus souvent, ils sont arrêtés à la sortie des foyers pour être mis en rétention, pratique que les juges des libertés ont tendance à rejeter. Le parcours de l'un d'eux en une semaine. Arrestation à Calais, transfert dans un foyer à Vernon dans l'Eure, arrestation à la sortie du foyer, transfert au centre de rétention administrative de Lille-Lesquin, libération au bout de 2 jours pour le juge des libertés pour vice de procédure, départ vers Calais le lendemain matin, arrestation 2 heures après et transfert dans un foyer à Dijon. Alors l'attitude de la police, c'est vrai qu'elle est sur l'arrondissement relativement je dirais relativement calme si on compare par rapport à Calais. Ceci dit, depuis septembre, on constate qu'il y a quand même un durcissement très net. Alors déjà, il y a ce qui n'existait pas avant, un harcèlement quasiment hebdomadaire, des renseignements généraux au parc qui descendent, qui font une descente à heure variable, à jour variable, mais pour arrêter une dizaine de personnes qui seront relâchées le lendemain avec des APRF. Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Pas plus d'une dizaine, en général, ce serait rare qu'ils en arrêtent plus d'une dizaine, souvent c'est même moins. Mais ça devient régulier, ça on ne l'avait jamais vu avant septembre, cette régularité d'intervention, et ça fait effectivement plutôt manœuvre d'intimidation qu'autre chose, parce que de toute façon ils vont sortir avec des APRF, le seul résultat sera de les maintenir s'ils veulent demander l'asile encore plus longtemps dans la rue, puisqu'ils ne pourront pas bénéficier, s'ils veulent demander l'asile à cause de cet APRF, ils ne pourront pas bénéficier de logement ou d'allocation, mais ça ne va pas plus loin, donc c'est vraiment de l'intimidation. Il y a eu quand même aussi une volonté, toujours aussi, c'est pendant l'été, je pense que ça a été suite à la médiatisation qui a eu lieu cet été, après l'article du Parisien qui lui-même faisait suite à la lettre de Delanoë à Boutin sur le problème des SDF dans Paris, où il y avait un petit paragraphe sur les exilés, mais qui a entraîné une médiatisation énorme. Et on a vu là la police intervenir beaucoup plus souvent pour les faire dégager de l'avenue de Verdun à 8h du soir, alors qu'à 8h du soir en plein été, on ne voit pas très bien quelle gêne ils peuvent occasionner. Donc ils leur interdire, voire même l'avenue de Verdun qui est à côté du parc. Et moi je suis intervenu plusieurs fois pour faire remarquer à la police que c'était une pratique discriminatoire, que je ne voyais pas pourquoi des Français avaient le droit de passer et que les exilés n'avaient pas le droit de passer dans cette rue. En général, à ce moment-là, les policiers arrêtaient de bloquer la rue et laissaient passer les gens. Mais donc il y a eu ce genre de pressions qui sont minimes, enfin qui ne sont pas agressives. Hein. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de coups ou trucs comme ça, mais qui étaient des pressions permanentes pour effectivement les mettre dans un sentiment d'insécurité. Plus inquiétant quand même, là, ça a été début février, où on a eu des gazages systématiques de gens qui dormaient, y compris un soir d'ailleurs, où il y a eu beaucoup de gaz utilisés, parce que le lendemain, tous les accueils de jour ont signalé qu'ils avaient accueilli des gens qui sentaient à plein nez les gaz lacrymogènes. Et là, la police a gazé, sans les réveiller, des gens qui étaient endormis le long du canal ou sur les terrasses des immeubles le long du canal. En février 2009. Oui, là, il y a deux mois, quoi. Et on avait signalé ça. Alors, il y a quelqu'un qui en a été témoin, d'ailleurs, une riveraine qui en était témoin, un jour d'une agression assez forte de la police avec les gaz. Et alors c'est la même chose, on l'a signalé, c'était à peu près au même moment qu'il y avait ces interventions de la sécurité au parc, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient chassés du parc et gazés dehors. On l'avait signalé à la mairie de Paris, la mairie du 10e a interpellé, a posé la question au commissaire qui a dit qu'il n'était pas au courant. Mais ce qui est admirable, c'est que dès qu'on pose un problème, personne n'est jamais au courant. C'est même au point où on nous dit que mais vous avez rêvé, quoi. Enfin, pour la sécurité de la mairie de Paris, c'était la même chose. Pendant 4 jours, on m'a dit mais c'est pas possible, ils n'ont pas pu intervenir. Leurs voitures ont des GPS, la direction de la prévention et de la protection sait très bien où sont les voitures. Il n'y en a aucune qui était là. De l'autre, j'en ai eu marre. J'ai demandé la description exacte des uniformes et de la voiture. Il dit c'est pas possible. Une voiture de ce type-là, avec ce genre d'inscription-là, démontrez-moi que c'est pas ça. Et le lendemain, la DPP reconnaissait que c'était bien ses agents, mais de partir des agents incontrôlables. Enfin bon, incontrôlés, disons. Et la police, même chose. Le commissaire de police n'était pas au courant des interventions de ses équipes pour déloger les exilés. Ceci dit, apparemment, depuis ces interventions, depuis mi-février, donc là, parce qu'on a quand même passé des mails aussi sur les listes du quartier, donc il y avait eu un certain. Nous, on avait interpellé, mais il y a un certain nombre d'autres associations et d'autres riverains qui avaient interpellé. On ne nous a pas signalé de cas réguliers de gazage comme il y en avait, et apparemment au parc maintenant ils sont tranquilles. Mais donc, et dans la journée, a priori, ils n'ont aucun problème avec la police. On n'est pas du tout encore dans les conditions de Calais. Le soir, la police est là, par exemple, parce que la RATP et le cœur des haltes veulent que la police soit là parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de bousculades et qu'il y a des risques de bagarre. Donc, les gens attendent le bus et montent dans les bus. Il y a actuellement toujours 10-12 policiers qui sont là, mais bon, qui sont totalement. Qui restent là, mais qui interviennent absolument pas, qui interviennent s'il y a de la bagarre et c'est tout. Et qui interviennent d'une manière. Moi, j'ai jamais vu interpeller qui que ce soit là. Pour le moment, on ne peut pas dire que dans le 10e, on a eu des gros problèmes avec la police. La seule intervention, la seule rafle massive qu'on ait vraiment eue de police, elle remonte quand même à mai 2006. Où là, effectivement, le square Villemain avait été complètement cerné et ils avaient interpellé 50 personnes qui étaient à l'intérieur pour en mettre 15 en centre de rétention après. Mais depuis cette date-là, on n'a pas eu d'intervention massive de la police. Et à part ce gazage, a priori, ça se passe relativement bien. Toujours des arrestations, dans les gares en particulier, mais pour moi, on est très très loin de la situation au Canada. Nous retrouvons un jeune homme qui sort de 10 mois de prison suite à une bagarre avec un policier. Nous avons à peine le temps d'entamer la conversation que d'autres personnes viennent lui dire d'arrêter. Dans 10 mois, même pas parloir, une fois, j'ai pas de parloir, j'ai pas de l'argent, tout ça. T'étais le seul Afghan ou t'étais tout seul en prison, ouais. Oui. Ah ouais, ça c'est dur aussi. Je suis tout seul, il n'y a pas d'Afghanistanais, il n'y a pas d'Iranais. Comme ça, Iranais aussi, ils parlent la même langue, ouais, farsi. Il n'y a pas d'Afghanistan, il n'y a pas d'Iranais, tout ça. Ouais. Toujours on parle français, en plus moi je ne parle pas français, rien du tout. Ok, tu dois y aller. Plus tard. Bon, bah, prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. Est-ce qu'il y a déjà des collectifs similaires aux vôtres dans d'autres arrondissements? Et est-ce que vous êtes amené à travailler avec d'autres collectifs sur Paris? Alors, des collectifs sur les exilés, nous, on n'en connaît pas d'autres. Hein, donc, sur des gens donc, qui sont dans une position un peu particulière, puisque, effectivement, ils sont demandeurs d'asile en Europe, même s'ils ne sont pas demandeurs d'asile toujours en France, ils sont demandeurs d'asile. Ils recherchent une protection en Europe. De gens qui sont dehors et qui vivent dehors en permanence, il n'y en a pas d'autres sur Paris. Donc, effectivement, c'est un caractère un peu spécifique. Donc, on n'est pas en relation avec d'autres collectifs sur Paris ou très, très ponctuellement sur des sujets précis. Mais par contre, on est en relation avec les associations, l'ensemble des associations du 10e arrondissement, RESF, LDH, les Verts, le PC, le NPA, etc. Donc les associations qui interviennent sur le 10e arrondissement. Mais effectivement, on n'a pas... Alors ensuite, on est en relation avec les organisations nationales, que ce soit le MRAP, la CIMAD, le GISTI, la LDH. Mais on n'a pas de relation avec les collectifs des sans-papiers, par exemple. Et il va y en avoir une avec le 9e collectif, puisque le 9e collectif avait sollicité une réunion pour qu'on travaille sur le problème des exilés. Et je sais pas, c'est tombé à l'eau, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a jamais eu d'organisation des exilés eux-mêmes au cours de leur passage? Alors, il y a eu plusieurs tentatives qui venaient d'eux. Et la dernière, ça date d'il y a moins d'un an. Mais c'est toujours extrêmement compliqué parce qu'apparemment, là, il y a des Afghans. Quelques temps avant, deux ou trois ans avant, je crois que c'était des Irakiens. Là, c'était des Afghans qui avaient envie de faire une association, effectivement. Et le problème, c'était de définir les objectifs de l'association, ensuite de trouver les gens qui étaient prêts à faire quelque chose. Et apparemment, ça a bloqué un peu. Nous, on avait dit, il n'y a pas de problème, on vous aide à monter l'association, mais essayez de vous mettre au moins d'accord sur les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette association? Et il y a eu plusieurs réunions entre eux et ça n'a jamais, en fait, abouti. Et là, je crois que c'est tombé au point mort. Puisque les divergences, c'était quoi, par exemple? Les divergences, c'est quoi faire, quoi. Est-ce qu'on était sur une association revendicative sur les conditions de vie? Alors le problème, c'est que ceux qui l'initiaient, c'est des réfugiés, qui étaient dans d'autres conditions. Que ceux qui étaient dans des mauvaises conditions de vie, c'est des gens qui vont peut-être pas forcément rester sur Paris, même s'ils demandent l'asile, parce qu'à la limite, ils vont peut-être être envoyés en province. Et sans ça, ils vont peut-être partir dans d'autres pays. Donc il y avait déjà ça. Alors ensuite, savoir est-ce que c'était culturel. Ils avaient envisagé de donner des cours de français ou d'organiser des concerts, etc. Ensuite, il y a eu tout l'aspect, à un moment donné, il y a eu l'aspect religieux qui s'était posé. Savoir est-ce que ça doit être religieux ou pas religieux. Bon, C'était, apparemment, les discussions avaient beaucoup tourné autour de ça et ça n'a pas tellement avancé. Ceci dit, c'est vrai qu'en France, il y a peu, par exemple, peu d'Afghans. Il y a des associations iraniennes qui existent. Les Afghans, il y en a assez peu. Et il n'y a pas d'association, contrairement à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays, il n'y a pas d'association. Même de gens qui habitent ici, donc qui pourraient être susceptibles d'aider les autres ensuite. Et ça, ça n'existe pas. Et là, pour le moment, c'est au point mort, donc on n'a plus de nouvelles, donc bon, on verra. Mais c'est, nous, on estime que c'est pas à nous de pousser à ce qui, bon, à ce qui s'organise en association. De toute façon, je vois pas comment on pourrait le faire, parce que de toute façon, pour eux, on restera étrangers. Et si ça doit être une association d'exilés, il faut que ça se discute entre eux. Et c'est eux qui pourront... Nous, on peut aider à ce que ça se construise, mais si la volonté n'y est pas au départ, on ne pourra jamais pousser à créer une organisation. C'est un vieux rêve, hein. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi il faudrait des... quand il y avait les tentes sous le canal, il faudrait qu'il y ait des délégués qui soient... Et oui, moi je veux bien, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Je crois. C'est pas... Il y aura toujours des porte-paroles qui ne sont pas forcément, d'ailleurs pas forcément légitimes, des porte-paroles qui vont parler anglais, donc... qui ne sont pas forcément légitimés par les autres. Mais bon, il n'y a jamais eu d'association et je ne vois pas comment ça pourrait se faire. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que là, je voyais qu'il y a eu des incidents à Calais entre Africains et Afghans. Et Salah m'a dit qu'ils avaient organisé une médiation entre qui réunit les responsables ou les délégués des Afghans et des Érythréens, je crois. Bon, je ne sais pas comment ça se passe du côté érythréen, mais je serais curieux de savoir qui étaient les délégués afghans. Parce que... de ce que je vois tous les soirs, il n'y a pas de hiérarchie avec un délégué, quelqu'un qui va parler en leur nom. Et même, je vois rien que pour l'établissement des listes des bus. Alors, c'est un truc très bête hein, d'établir des listes, donc de se mettre d'accord pour établir une liste de qui va monter dans le bus ou pas. Ceux qui étaient responsables de ça, souvent, ils avaient des gros problèmes avec les autres qui leur disaient « mais c'est pas à toi de le faire », etc. Donc... je serais curieux de savoir comment ça s'est passé à Calais. Je ne suis pas sûr que ça puisse être vraiment efficace. Mais s'il y a eu effectivement des gens qui ont effectivement un impact sur la communauté et qui peuvent discuter, c'est bien. Mais en tout cas, ça me laisse un peu rêveur par rapport à ce que je veux. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e, en mars 2007. Le 2 mars, nous avons encore signalé avec France Terre d'asile mineur, à la DAS, la présence de personnages douteux, tournant autour des jeunes le soir place du colonel Fabien, ou même dans la journée dans le parc Villemain, où plusieurs nous ont dit avoir été abordés par des adultes, leur proposant des rapports sexuels. Plusieurs exilés ont encore été victimes du Pakistanais qui sévit à l'arrivée des trains d'Italie. À chaque fois, cette personne, sous prétexte de les aider, fait payer un simple ticket de métro de 50 à 200 euros. Quelles sont les revendications, les préconisations du collectif de soutien aux exilés du 10e ? Elle se situe à différents niveaux. Différents niveaux et sur différentes populations. Déjà, sur les mineurs isolés, c'est clair, pour nous, c'est l'application stricte de la loi sur la protection de l'enfance qui prévoit aussi la protection des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Donc, pas un mineur ou pas un jeune majeur en danger dehors. Et qu'on arrête le bricolage et la négociation financière, je dirais, le marchandage financier. Qu'on mette en place un véritable dispositif de protection des mineurs, qu'on les scolarise, qu'on leur donne la possibilité de construire leur avenir ici. Et ensuite, tout le problème de l'asile et de la protection au niveau européen. C'est effectivement, il y aura à revoir complètement le droit d'asile. La France a quand même réduit considérablement ces dernières années. Il paraît que ça aurait remonté l'an dernier, mais enfin, ces dernières années, considérablement réduit le nombre de demandeurs d'asile. Ça, c'est quand même pas acceptable. Alors, quand on voit la situation du monde et des pays dans le monde, on imagine difficilement qu'on puisse diminuer le nombre de demandeurs d'asile. Et au niveau européen, ce qu'on nous prépare, c'est plutôt des mesures de fermeture des frontières et de renvoi d'expulsion que véritablement une amélioration du droit d'asile. Tout ce qui est en préparation, ça va plutôt vers des normes à minima sur l'asile. Donc voilà, donc ensuite, oui, je crois qu'il y a, c'est à différents niveaux, quoi. Il y a vraiment des gros problèmes à résoudre, en particulier sur la liberté d'installation. Ça, il faudrait que ça soit admis. Parce qu'à l'heure actuelle, ça en maintient beaucoup trop dans ce règlement Dublin, maintient beaucoup trop dans une perpétuelle errance en Europe, où ils ne pourront finir qu'en étant illégaux de toute façon. Donc ça, il faut que ça cesse, c'est qu'ils aient le droit d'aller dans le pays où ils ont envie, et avec tout ce que ça entraîne aussi, de nécessité d'information et de révision du droit d'asile en Europe. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e en septembre 2007. Les empreintes et la fameuse convocation délivrée dans le cadre de la détermination de l'État responsable du traitement de la demande d'asile restent une des principales préoccupations des exilés. Casse-tête pour tous ceux qui ont leurs empreintes en Grèce, en Italie et même en Bulgarie. Ils sont tous à la recherche du meilleur pays. Celui qui ne trouvera pas leurs empreintes et qui donnera une suite favorable à leur demande d'asile. Les pays nordiques, qui d'après leurs informations partiellement exactes, n'expulsent pas. L'Irlande, qui d'après une rumeur hélas non fondée, ne vérifierait plus les empreintes dans Eurodac. L'Angleterre, qui n'expulserait pas les Iraniens, d'après l'un d'eux pas forcément bien informé. L'Italie, qui semble accorder plus facilement les cartes de résident mais où il n'y a pas de travail et où se loger coûte trop cher. Le programme de recherche multicritère du meilleur pays possible n'a pas encore été créé. Il se raccroche aussi à toutes les rumeurs positives. En Angleterre, quelqu'un fait disparaître les empreintes des doigts pour 300 euros. Un migrant de plus de 30 ans, en procédure de réadmission vers la Grèce, n'y retournera pas car il ne constitue plus une force de travail. Cette errance à travers l'Europe qui ne les accueille pas en rend certains très amers, tel cet exilé afghan qui ne comprenait pas que l'Occident qui fait la chasse aux talibans que lui-même a fui ne lui accorde pas le droit de vivre en Europe. Et il finissait par dire un brin provocateur que finalement les talibans, ce n'était pas si mal. On sympathise avec Ahmed, qui est d'accord pour prendre le temps de discuter. On va s'asseoir sur une des pelouses du jardin Villemain, où un autre jeune homme viendra se joindre à la conversation. I live in the park since 6 months, I think. Il dit, ça fait 5 ou 6 mois que je dors dans ce parc. As you know, the situation of the park just few days before there was a fighting and some guys were died and some people were. Because of this fight, some people they are in jail and prison. Comme vous le savez, dans ce parc, il y a quelques jours, il y a eu une bagarre. Il y a un gars qui est mort. Et il y a des gens qui sont en prison à cause de cette bagarre. Now the situation is more bad than before because. Donc la situation elle est vraiment pire qu'avant. The police or the other guys, they think that. Parce que la police et tout le monde pense qu'on a une responsabilité dans cette affaire. We have some relation or we are involved in this case, but we live in this park. Because we doesn't have house. Mais nous, si on vit dans ce parc, c'est parce qu'on n'a pas de maison, on n'a pas d'argent pour louer une maison. And we know it's not possible for the French government to give us some money. On sait bien que c'est pas possible pour le gouvernement français de nous donner de l'argent, de nous donner plus d'argent pour qu'on puisse avoir une maison et une vie meilleure. We need just a little bit, not. Mais on en a besoin un peu, pas beaucoup. Everyone who comes here, they are politics. They are politics refugees. Et tous les gens qui viennent ici, c'est des réfugiés politiques. If they do something like this, so in my mind, it's not good. Et les réfugiés politiques, c'est pas bon de les traiter comme ça. They need something. They need some, you know, some kind of help. Les réfugiés politiques, ils ont besoin d'aide. And for the police, when the refugees are, I don't know, when the people, they come from Afghanistan to the border of France. The police invite them. Okay, come to France. We give you papers. We give you good life and. Who says that? Et là, les réfugiés ou les gens en général, quand on arrive à la frontière de la France, la police nous dit oui, venez, on va vous donner des papiers, on va bien vous accueillir. Je n'ai entendu mes propres oreilles. English. Between à la frontière entre la France et l'Angleterre, j'ai entendu ça. And the border, the police always welcome. La police qui nous accueille. To come to France and we will provide you everything and like this and on va vous aider, on va vous donner une maison, tout ça. But when mais en fait, quand les gens arrivent ici, ben, ils doivent rester dans le parc. So first of all, they stay in the park because and during the way they have fingerprints in some countries. They have to stay 6 months. Comme ils ont laissé leurs empreintes digitales dans d'autres pays, les gens doivent rester dans le parc sans argent, sans maison, sans nourriture. Pour 6 mois, 7 mois, parfois plus d'un an. More than 6 months, more than 7 months, maybe sometimes for 1 year, because sometimes they say, okay, we will call to the area where you have fingerprints. We will discuss with them if they want you back or if they don't want you back. Parce qu'on dit aux gens, bon, ben, on va voir avec les gens du pays où vous avez laissé vos empreintes digitales s'ils veulent vous reprendre ou s'ils veulent pas vous reprendre. Alors on est obligé de rester là, parfois plus d'un an. When they become like okay, when the other country they don't invite them back. Et au bout d'un an, on leur dit éventuellement, bon, ben, les pays veulent pas vous reprendre, alors on vous donne une autorisation de rester ici. So then they give the green card. And the green card it will be for 1 month. For 1 month, okay. Mais cette autorisation elle est valable que pour un mois. Okay, donc pendant un mois ils s'en sortent parce qu'ils ont cette autorisation. But sometimes with the white paper what they give us, when the police arrest, so they don't accept this paper. Parfois on nous donne un papier qui dit qu'on peut rester, mais quand la police nous arrête, ils ne croient pas au papier. Somebody can live in this country in a kind of situation like this. It's not possible for someone to. Comment est-ce que c'est possible de vivre dans un pays si on nous donne un papier et la police nous arrête quand même si on a ce papier? C'est vraiment compliqué, personne ne sait quoi faire. No one knows what to do. When they go to the association like France d'Asile, this is you have to go to police. When they go to the police gives them the return paper. Quand ils vont voir l'association France Terre d'Asile leur dit allez voir la police. Quand ils vont voir la police leur donne un papier de retour. When they take this return letter, when they want to go somewhere, the police arrest them. Why you go there? Ils peuvent plus faire un pas. Dès que la police les arrête, ils lui disent mais alors où est-ce que vous allez comme ça? What to do? Qu'est-ce qu'on peut faire? It's like a jail. When somebody put you in a jail and they say you there's no food, nothing, and you have to manage. How? C'est comme une prison. Quelqu'un te met en prison et te dit t'as pas de nourriture, t'as rien, il faut te débrouiller. Comment? Comment est-ce qu'on se débrouille? Sans argent, sans nourriture, sans papier. And the paper which they give us, there's written that you cannot work. Sur le papier qu'ils nous donnent, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de travailler. If you write that we cannot work, so you must provide us food, because the stomach wants food. Si vous écrivez qu'on n'a pas le droit de travailler, alors il faut nous donner à manger. L'estomac, il a besoin de nourriture. On ne peut pas se nourrir du vent ou de l'herbe. Si on nous interdit de travailler, il faut nous donner une maison, à manger et un papier qui est accepté par la police. Une fois que le papier blanc il arrive à expiration, on peut éventuellement avoir une carte de séjour. Mais avant la carte de séjour, on n'a que ce papier blanc qui est accepté nulle part. And then the police says, okay, that this paper is expired. Now you have a carte de séjour or anything, whatever they give us. But just before of this carte de séjour, they give us the paper white and the paper. It doesn't work anywhere. Some of my own friends, right now they are in the prison with the police because he has a white paper. J'ai des amis qui sont en prison pour ça. And He went to the OFRA, he gave interview, but he has refused. And the OFRA told him to go back to commission. J'ai un ami comme ça, il est allé à l'OFRA, il a fait son entretien à l'OFRA, mais l'OFRA a refusé sa demande d'asile. Ils lui ont dit, va voir la commission. La commission lui a donné le papier blanc. And now he's in prison with the police. Because the police don't accept this paper. Et maintenant il est en prison. Avec la police, parce que la police n'accepte pas ce papier. And now he's in deport center. Maintenant, il est en centre de rétention. They don't want to deport him back. Ils ne veulent pas l'expulser. Because they can't because they we have problems. Ils ne peuvent pas parce qu'on a des problèmes en Afghanistan. C'est pour ça qu'on s'est enfui. As everyone knows, in Afghanistan there's a big fight, and if there's no fight, and if they want to deport us, so why they send us the army in Afghanistan? Comme tout le monde le sait, en Afghanistan, il y a un conflit important. S'il n'y avait pas de conflit, pourquoi est-ce qu'il y aurait l'armée en Afghanistan? Si c'est un pays calme, So why this in the armies? Si c'est un pays aussi calme que ça, pourquoi est-ce qu'ils envoient des armées là-bas? Alors à ce moment-là, il faut qu'ils rappellent leurs armées et qu'ils pourront nous expulser en nous disant oui, c'est un pays sûr. We have problem, but no one cares about this. On a des problèmes, mais tout le monde s'en fout. Je lui demande s'il peut expliquer pourquoi il est venu et comment il est venu. Il nous répond, je ne peux pas expliquer mon histoire personnelle parce que c'est vraiment pas joli. I can't explain it because it's really bad to explain. But I can explain that. Mais ce que je peux expliquer, some people who come here, c'est que parmi les gens qui sont venus ici, some of them, they were working with the U.S. Army, with the British Army. Il y en a qui travaillaient pour l'armée américaine. Pour l'armée anglaise, pour n'importe quelle armée. Et c'est pour ça qu'ils ont dû fuir ici. Parce que les talibans sont vraiment mauvais. Ils considèrent que ceux qui travaillent avec des armées étrangères ne sont pas des musulmans. Donc le gros problème, c'est que les talibans risquent de les tuer et de leur couper la tête parce qu'ils travaillent avec des étrangers. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'enfuient d'Afghanistan pour venir ici. Tout le monde le sait. Toutes les armées et tous les gens qui fuient ce pays. Like every army, every person, every guy who goes from these countries. Ils ont le papier sur lequel les talibans ont écrit. The paper from Taliban that the Taliban write in this paper that the guys who is working with the government or with the, especially with the foreigners. So they are not Muslim. And we have to kill them, we have to slaughter their heads. Que toute personne qui travaille avec le gouvernement, et plus particulièrement avec les étrangers, ne sont pas des musulmans. Qu'il faut les tuer et qu'il faut leur couper la tête. Toutes les armées, tous les pays, ils ont ce papier entre les mains. And it's not a paper like it's not a joke. They have already seen this kind of, you know, this kind of things happens. C'est pas une blague ce papier. Ils ont déjà vu ce genre de choses se passer réellement. Or who are working with the government, with the NGOs, they have already seen this, that they killed and they die and the Taliban cut their heads. So that's why some people who come here. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens qui viennent ici. Not respect like we don't want like nationality. A little bit respect, a little bit, like a man, like a person. Don't treat like a dog, like a animal. On demande pas la nationalité, juste un petit peu de respect, un tout petit peu, comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle personne. Ne nous traitez pas comme des chiens, comme des animaux. It's the treat like a dog because the people who's sleeping in this park. On est traité comme des chiens. Sometimes the police come here and throw them out of the park. When you throw them out of this park, so where they can sleep? Parce que les gens qui dorment dans ce parc, des fois la police arrive et les jette hors du parc. Quand on les jette en dehors de ce parc, où est-ce qu'ils peuvent dormir? When they go on the street, so another police arrest them and they take their fingerprint again. Quand ils vont dans la rue, un autre policier les arrête, prend leurs empreintes digitales. Encore. That it's like you have a crime, so it's a crime fingerprint, and when you go to the higher offices, like OFRA, like Kimisu, so this is okay, you have done something wrong, so that's why the police take your fingerprint. Comme si on était des criminels, et quand on va dans les institutions plus hautes, comme l'OFRA, comme la commission, ils nous disent ah, vous avez fait quelque chose de mal, là, la police a pris vos empreintes digitales. If they can't sleep here, if they can't go outside, so what they can do? It's really, I can't explain this. S'ils peuvent pas dormir ici, s'ils peuvent pas dormir dehors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est vraiment, je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Because when the police come here, they don't like the people, the Afghans, stay in the park. So where they can go? On the street. Parce que quand la police arrive, ils ne sont pas contents de voir qu'il y a des Afghans dans le parc. Alors, où est-ce qu'ils peuvent aller, les Afghans? Dans la rue? Je lui demande comment se passe la vie quotidienne, comment ils arrivent à échapper à la police, ou comment ils passent la journée. The daily life is like there's no school, nothing, no. Il me dit, la vie quotidienne, c'est qu'il n'y a pas d'école, Il y a rien. At the night, we sleep here. When we sleep here, when the police come or when the guard, security guard, I don't know. There's a lot of kind of police. They come here and they treat us like animals. La nuit, on dort ici et pendant qu'on dort, la police vient ou bien les gardiens ils viennent. Je sais pas. Il y a beaucoup de sortes de police différentes. And ils nous traitent comme des animaux. I don't know. Sometimes when they come, so. We let everything here. Parfois, quand ils like viennent, on laisse tout ici. On laisse nos sacs de couchage, on laisse toutes nos affaires. We escape outside. Et on s'enfuit dehors. We stay 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours on the street. On reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la rue. Et après, on revient dormir. And after, maybe at the midnight, at 2 o'clock, 2 p.m., 3 p.m., the police come back, and we escape back. Like we don't have sleep, we don't have anything here. Et après, à minuit, 2 heures, 3 heures du matin, la police revient. Et donc on s'enfuit de nouveau. On ne peut pas avoir de sommeil, on ne peut rien avoir. And we don't know how. C'est vraiment compliqué de décrire comment on vit really, ici. It's really complicated to explain how we live here. Explain. On peut parler français? Oui, bien sûr. Non, ici, les Afghans, ils ont un problème. On ne peut pas expliquer, tu vois, dans son pays. Ils ont un problème, ils n'ont rien du tout là-bas. Ils n'ont pas de place, il n'y a pas de travail, il y a la guerre. Ils viennent ici, ils pensent qu'ici on a sécurité, on peut travailler, on peut vivre mieux que là-bas. Quoi. Parce que la vérité, le plus que le matin, ils ont vraiment des problèmes là-bas. Ils ne peuvent pas vivre là-bas. C'est pour ça qu'ils viennent ici, ils trouvent, et ils essayent de trouver un chemin pour vivre, pour être vivant. Quoi. C'est ça, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne savent pas parler français, ils dorment dans le parc, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Toi, tu viens d'Afghanistan aussi? Oui, je suis afghan aussi. Comment tu as appris le français? Tu parles très bien français? Ah, ça fait 2 ans que je suis là. Moi, je suis allé dans un lycée professionnel. Quand je suis venu ici, j'ai demandé. D'abord, c'était France Terre d'Asile qui m'a aidé beaucoup. Et leurs yeux aussi. Je les remercie. C'est vrai, c'est très gentil. Mais ça fait 2 ans que je suis là. Et là, j'ai appris français. J'ai mon papier. T'as réussi à avoir des papiers? Alors là, j'ai un petit studio aussi, je travaille normal comme les autres, quoi. Voilà. Et eux, c'est ce qu'ils veulent aussi, les autres. Et tu reviens toujours au parc Villemain voir les copains? Ouais, quand j'ai rien à faire, parce que c'est vrai, quand je viens ici, ça fait mal le corps, parce que c'est mes amis, on vient de la même pays, on parle la même langue. C'est dur, on ne peut pas voir quelqu'un qui... Comment on peut dire? Pour moi, c'est dur, ça fait mal le corps quand je vois les gens, ils dorment dans la rue, il fait froid, plus ils n'ont rien pour manger. C'est ça, moi j'essaie de montrer quelque chose qui peut l'aider. C'est tout, après je viens les voir. Quand j'ai rien à faire, c'est bien pour moi aussi. On parle la même langue, tout ça, voilà. On joue foot ici. Eux, ils n'ont rien à faire, on joue foot. Mais justement, les Afghans qui ont réussi à obtenir des papiers, qui ont réussi à trouver un logement, etc. Mm. Est-ce que vous vous organisez pour soutenir les gens? Ouais. Ah, pour soutenir les autres, mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les autres? Comme par exemple, on peut faire quoi pour les autres? Je ne sais pas s'il y a une solidarité où vous les aidez en leur donnant de... Je sais pas, trouvant des hébergements la nourriture. Vous imaginez, ça coûte cher. On peut pas, moi déjà pour moi, je peux pas payer. Alors pour les autres, c'est pas possible quoi. C'est le seul moyen qu'elles dorment dans le parc, voilà, c'est tout. Non mais il y a des associations qui peuvent les aider. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations, par exemple l'OZU et France Terre d'Asile aussi. Ils aident. Et pour aider à trouver du travail ou Travail, ils n'ont pas autorisation de travail. Oui, mais on peut travailler ça, au noir. C'est pas, quoi. Non, ici en France, on ne peut pas. Déjà, elles ne parlent pas français. Ouais. C'est dur. Non, mais c'est pas possible. Enfin, beaucoup d'Africains travaillent dans les cuisines. Oui, beaucoup d'Africains, ils travaillent parce qu'ils ont. Déjà, elles parlent français. Ouais. Et après, ils ont des familles, ils ont des amis. Bonjour. Qui l'aident, quoi. Oui, vous avez une autorisation pour interviewer? Non. Monsieur, on vous informe qu'il y a une liberté de... Pardon? Non, il y a une liberté de quoi? C'est un espace public, c'est ça? Oui, mais c'est parce que c'est un espace public que vous devez faire n'importe quoi, il y a des règlements. C'est pas faire n'importe quoi. C'est donc il y a des règlements à respecter. Ouais. Donc, il vous faut une autorisation. Vous avez le règlement sur vous? n'est pas sur moi, mais il est sur à l'entrée. Ouais. Il y a marqué dessus, on n'a pas le droit d'enregistrer. Non, on ne va pas bouger. Là, nous, on est en train de travailler, donc on ne va pas venir. Non, mais vous arrêtez. Bah, nous, on ne va pas arrêter, du coup. On va pas arrêter. En quoi ça vous dérange qu'on... Ouais. En quoi ça vous dérange on est en train de faire une conversation. Non, qu'on discute avec ce monsieur. Savez-vous qu'en tant que je vous ai appelé, j'ai fait votre travail. On ne vous empêche non, pas de faire votre mais travail. Mais là, oui, vous m'empêchez de faire mon travail. Vous me dérangez, oui. Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce que vous constatez, en fait, là? Je constate que vous avez interviewé deux messieurs. Ouais. Vous avez un micro, vous posez des questions, vous les interviewez. D'accord? C'est interdit. D'accord. Ben moi, tant que je n'ai pas vu ça sur un texte, que vous allez m'apporter, parce que moi, je ne vais pas aller le voir. Non, mais vous arrêtez. Je reste ici. Non, monsieur, on ne va pas arrêter, on va continuer. Ici? Mais non, moi aussi, je ne pense pas que c'est interdit. Hein? C'est vrai, les gens, ils ne veulent pas parler. That's the problem, what you see. Bon, on continue. Oui, oui, oui. Non, mais vous arrêtez, monsieur. Mais non, non, non, vous arrêtez, d'accord? Non. Vous arrêtez maintenant, non, d'accord? Monsieur, bon. Non, mais vous arrêtez, vous prenez votre micro et vous sortez du sport maintenant. Non. D'accord? Non. Vous arrêtez votre... Tout, il faut vous pas les embêter parce que... Tout ce qui est professionnel, monsieur. Alors, on n'est pas professionnel, pas, en plus. Tout ce qui est professionnel, vous n'avez pas le droit. Du tout. Ouais. On n'est pas le droit. Tous les jours, c'est comme ça. Police, security guard. Ouais. You are French, with you they are like this, and you can imagine what about us, and you can imagine how they believe with us. Vous êtes français et déjà vous voyez comment ils sont avec vous. Mm. Alors avec nous, vous imaginez? I can't explain how they can behave with us. Je peux même pas dire comment ils sont avec nous. You see the situation. It's right in vous voyez vous-même la situation. In front of you. That's it. C'est comme ça. We can't say anything more. Il n'y a rien à ajouter. Now you can go. After they call the police and they arrest the people. Vous pouvez appeler la police. For you, it's okay. Ils appellent la police quand les gens sont interviewés. Yeah. Ah oui? Yes. For us, it's a big problem. Il ne doit pas, il n'a pas... Mais non, il fait chier, il veut faire chier. Non, non, mais tout ce qu'il dit, c'est qu'après, ils appellent la police, ils viennent les faire chier parce que nous, on a vous été... C'est plutôt vous, ça va embêter, ouais. Il faudrait le faire, les interviews. Mais il y a beaucoup dehors. De radios et télé qui viennent ici, c'est vrai. Ouais. Ça aussi. Ouais. We don't have authorization to speak with somebody also. On n'a même pas l'autorisation de parler with avec no quelqu'un. Money, with no work, with no food, with no house. We don't have authorization to speak with somebody. So we are in jail or not? It's a kind of jail. It's not a normal jail. It's a high jail, you know? We are in a high jail. Pas d'argent, pas de travail, pas de nourriture, pas de maison, pas d'autorisation de parler avec qui que ce soit. Mais alors c'est une prison ou pas? C'est une sorte de prison, pas une vraie prison, une sorte de grande prison. C'était enfermé là dans ce jardin, les exilés du square Villemain. La suite d'un documentaire sonore réalisé avec Guillaume Yom à propos de la situation des exilés, majoritairement afghans, dans le 10e arrondissement de Paris. Pour retrouver les lectures des maraudes et toutes les infos sur les activités du collectif de soutien aux exilés du 10e, vous pouvez aller faire un tour sur leur site www.exilés10.org. Cette émission sera rediffusée mercredi 24 juin à 10h sur FPP et elle restera disponible sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.